Chapitre 11e. Le 28 décembre, on appareilla. Le temps était très brumeux, on ne voyait rien distinctement. Le soir, le temps s'éclaircit, nous vîmes les îles Saint-Ile-de-Fonce et nous aperçûmes bientôt le Cap Horn sur lequel nous gouvernions. On le reconnaît de loin, à une colline élevée qui le domine. Nous dépassâmes ce fameux cap et nous entrâmes dans l'océan Atlantique austral. Du Cap Horn, je gouvernais est-nord-est pour éviter les rochers qui gisent là, et après les avoir dépassés, je mis le cap sur le détroit de Lemaire, afin d'explorer la baie de Bon Succès pour voir s'il y avait des traces de l'aventure. Le soir, comme nous approchions du détroit, on diminua de voile et on serra le vent. Le climat de ce côté de la terre de feu paraissait beaucoup plus doux que celui des environs du canal de Noël. La terre s'abaissait insensiblement du haut des collines vers la mer et formait de longues pointes couvertes de grandes forêts. On n'y apercevait point de neige, excepté sur les montagnes éloignées à l'ouest. Une légère brise ayant succédé au calme, je naviguais, aidé des courants qui portaient au nord, vers la baie de Bon Succès. Nous avions déjà arboré notre pavillon et tiré deux coups de canon. Nous vîmes bientôt de la fumée sortir des bois près de la pointe méridionale de la baie. Je jugeais que les naturels avaient allumé ces feux, comme ils en allumèrent pendant ma relâche en 1769. Quand M. Pickersgill débarqua, il fut reçu par plusieurs naturels vêtus de peaux de guanac et de veau marin. Ils avaient des bracelets de filigrane d'argent qui venaient sans doute d'Europe. Ces Indiens étaient de la même race que ceux que nous avions vus dans le canal de Noël. Le lieutenant nous apprit que la baie était remplie de baleines et de veaux marins. Le 18 janvier, par la latitude de 54 degrés 30 minutes sud, à environ 2 lieues de la côte, qui s'étendait du nord-ouest au sud-ouest, nous trouvâmes une île qui paraissait former l'extrémité de cette côte à l'est. La terre la plus proche de nous, une pointe en saillie qui se terminait par un mondrin rond, fut nommée Cap Charlotte. À l'ouest du Cap Charlotte, il y a une baie que je nommais Baie Royale, et sa pointe occidentale fut nommée Cap George. L'île dont je viens de parler fut appelée île Cooper, du nom de mon premier lieutenant. Elle est éloignée de 8 lieues du Cap Charlotte. La côte, dans l'intervalle, forme une grande baie, à laquelle je donne le nom de Sandwich. Le 19, nous découvrîmes une nouvelle terre. D'abord, on aperçut une seule colline pareille à un pain de sucre. Peu de temps après, d'autres parties apparurent à l'horizon, près de la colline. Nous vîmes une chaîne de montagnes derrière la baie Sandwich. Leur sommet glacé s'élevait au-dessus des nuages. Le 20, nous fîmes voile au sud-ouest, autour de l'île Cooper. À partir de cette île, la côte de la Grande Terre prend, l'espace de 4 ou 5 lieues, une direction sud-ouest, jusqu'à une pointe que j'appelais Cap Désappointement. Comme nous avancions au sud-ouest, la côte s'ouvrit en travers de cette pointe à 9 lieues environ. C'était une île entièrement détachée de la Grande Terre et que j'appelais île Pickersgill du nom de mon 3e lieutenant. Bientôt une pointe de la Grande Terre se montra au-delà de cette île, dans la direction du nord-ouest, ce qui reportait l'endroit de la côte en vue exactement au point où nous avions pris le relèvement le premier jour qu'on l'avait aperçu. Il nous fut démontré par là que cette terre, au lieu de faire partie, comme nous l'avions supposé, d'un grand continent, n'est qu'une île de 70 lieues de tour. Je donnai à cette terre le nom d'île du roi Georges en l'honneur de Sa Majesté Georges III. Elle paraît remplie de baies et de havres, surtout du côté nord-est, mais la prodigieuse quantité de glace doit la rendre inaccessible la plus grande partie de l'année. Dans la persuasion où j'étais que les côtes d'une terre située par 54 degrés de latitude ne pouvaient pas, au milieu de l'été, être entièrement couvertes de neige, j'avais supposé que Bouvet ne découvrit que de grandes îles de glace. Mais après avoir vu celle-ci, je n'eus plus de doute sur l'existence du cap de la circoncision, et je crus que je rencontrerais plus de terre que je ne pourrais en reconnaître. C'est avec ces idées que je quittai la côte et gouvernai à l'est-sud-est. On a supposé que toutes les parties de ce globe, même celles qui sont les plus affreuses et les plus stériles, peuvent être habitées par des hommes. Avant d'aborder sur l'île du roi Georges, nous n'étions pas éloignés d'adopter cette opinion, puisque les rochers sauvages de la terre de feu sont peuplés. Mais le climat de la terre de feu est doux en comparaison de celui de l'île du roi Georges, car le thermomètre Fahrenheit était ici d'au moins 10 degrés plus bas. L'extrémité sud de l'Amérique a d'ailleurs l'avantage de produire assez de buissons et d'arbres pour fournir aux besoins des naturels, qui peuvent ainsi se garantir de la rigueur du froid et rendre par la cuisson leurs aliments plus sains. Comme il n'y a aucun bois à l'île du roi Georges, ni rien de combustible qu'il puisse en tenir lieu, je crois qu'il serait impossible à une race d'hommes de s'y perpétuer, eussent-ils toute l'industrie des Européens. Le 27 janvier, nous atteignîmes le 60e degré de latitude. Je ne me proposais pas d'aller plus loin. D'ailleurs, j'étais fatigué de ces hautes latitudes méridionales où l'on n'aperçoit que de la glace et des brumes épaisses. Le 28, nous trouvâmes la mer jonchée de glaçons. Dans l'après-midi, nous rencontrâmes tout à coup un nombre considérable de grandes îles de glace. Elles étaient toutes à peu près de la même hauteur, leur surface était plate et unie. Je virai de bord et portai en arrière à l'ouest avec un vent du nord. Le 1er février 1775, nous découvrîmes une nouvelle côte. C'était un promontoire que je nommais Cap Montaigu. Le 2, nous aperçûmes une nouvelle terre qui nous restait au nord-est à environ 10 lieues, mais nous la perdîmes bientôt de vue. Le 6, par 57 degrés 8 minutes de latitude sud et 23 degrés 34 minutes de longitude ouest, nous vîmes une terre que je nommais Terre de Sandwich. C'est un groupe d'îles ou une pointe de continent, car je crois fermement qu'il y a près du pôle une étendue de terre où se forment la plupart des glaces qui flottent sur ce vaste océan austral. Le danger concourt à reconnaître une côte dans ces mers inconnues et glacées est si grand que j'ose dire que personne ne s'est hasardé à aller plus loin que moi et que les terres qui peuvent être au sud ne seront jamais reconnues. Il faut affronter les brumes épaisses, le froid aigu et tout ce qui peut rendre la navigation dangereuse. L'aspect des côtes, plus horrible qu'on ne peut l'imaginer, accroît encore ses difficultés. Ce pays est condamné par la nature à ne jamais sentir la chaleur des rayons de soleil et à rester enseveli sous des neiges et des glaces éternelles. Ceci dit, le lecteur ne doit pas s'attendre à me trouver désormais dans une latitude plus avancée au sud. Nous n'étions pas en état d'entreprendre de longues campagnes. Il nous restait encore à vérifier la découverte qu'on dit avoir été faite par Bouvet. Cette raison me fit changer de route. Je mis le cap à l'est avec un très fort vent du nord, accompagné de neige. La quantité qui remplissait nos voiles était si grande que nous étions souvent obligés de jeter le vaisseau en travers du vent pour les en débarrasser. Sans cette précaution, ni la voilure, ni le bâtiment n'auraient pu en supporter le poids.